بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله 18e assise sur la bataille de Badr. Louange à Allah, le fort, l'inébranlable, le dominateur, l'apparent, le roi, la vérité. L'éclatant. Aucun gémissement caché n'échappe à son ouïe, et aucun mouvement du fœtus ne se dérobe à sa vue. Les sultans tyranniques se sont humiliés devant sa grandeur. Il a décrété le destin par sa sagesse, et il est le plus juste des juges. Je le loue d'une louange de reconnaissant, et je lui demande l'aide des endurants. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé. Dieu des premiers et des derniers, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, l'élu parmi tous les messagers, celui qui fut secouru à Badr par les anges descendus. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que sa famille, ses compagnons, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Mes frères, en ce mois béni, Allah a secouru les musulmans lors de la grande bataille de Badr, contre leurs ennemis polythéistes. Il a nommé ce jour le jour du discernement, Yawm al-Furqan, car il y a distingué entre la vérité et le faux, en accordant la victoire à son messager et aux croyants, et en abandonnant les mécréants polythéistes. Cela eut lieu au mois de Ramadan de l'an 2, après la Hijra. La cause de cette bataille fut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit qu'Abu Sufyan se dirigeait de la Syrie vers Mecca avec une caravane de Quraysh. Il appela alors ses compagnons à sortir à sa rencontre pour s'emparer de la caravane, car les Quraysh étaient en guerre contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, sans aucun pacte entre eux. Il les avait expulsés de leur demeure et de leurs biens, et s'était opposé à leur appel, l'appel de la vérité. Ils méritaient donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons projetaient à l'égard de leur caravane. C'est-à-dire que sans pacte, il n'y a pas eu de trahison, et il n'y avait aucun engagement de non-agression qui les liait à eux. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sortirent au nombre de 310 et quelques hommes, avec 2 chevaux et 70 chameaux, qu'ils montaient à tour de rôle. Parmi eux se trouvaient 70 hommes des Muhajirs et le reste étaient des Ansar. Muhajirs sont les gens de Mecca qui ont fait hijra vers Al-Madina. Et les Ansar, les auxiliaires, sont les gens d'Al-Madina qui ont accepté l'islam. Ils visaient la caravane et ne voulaient pas la guerre, mais Allah les réunit avec leur ennemi sans rendez-vous préalable, afin qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté et parachève ce qu'il avait voulu. Abu Sufyan, ayant appris leur sortie, envoya un messager criant vers les Quraysh pour leur demander de l'aide afin de protéger leur caravane. Il quitta la route habituelle et emprunta le littoral, et ainsi il fut sauvé. Quant aux Quraysh, dès que le messager arriva, ils sortirent au grand complet avec leurs notables, au nombre d'environ 1000 hommes, accompagnés de 100 chevaux et de 700 chameaux. « Bataran wa ri'a an-nasi wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhit » avec insolence et par ostentation devant les gens et pour obstruer le sentier d'Allah, et Allah cerne parfaitement ce qu'ils font. Ils étaient accompagnés de chanteuses qui entonnaient des chants satiriques contre les musulmans. Lorsqu'Abu Sufyan apprit leur sortie, il leur envoya un message pour les informer qu'il était sauvé, leur suggérant de rebrousser ce chemin et de ne pas engager le combat. Ils refusèrent, et Abu Jahl le déclara « Par Allah, nous ne retournerons pas avant d'avoir atteint Badr. Nous y séjournerons 3 jours, nous y égorgerons des bêtes, nous y offrerons de la nourriture, nous y boirons du vin, et les Arabes entendront parler de nous, ainsi ils ne cesseront jamais de nous redouter. » Abu Jahl avait comme kunya Abu al-Hakam. Et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné cette kunya de Abu Jahl, le père de l'ignorance. Quant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il apprit la sortie de Quraysh, il rassembla ses compagnons qui étaient avec lui, les consulta et dit « Inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatayn imma al-'ir aw al-jaysh » Certes, Allah m'a promis l'un des deux groupes, soit la caravane, soit l'armée. Al-Miqdad ibn al-Aswad, qui était parmi les muhajirs, se leva et dit « Ô messager d'Allah, va vers ce qu'Allah azza wa jal t'a ordonné. Par Allah, nous ne te dirons pas ce qu'ont dit les fils d'Israël à Moussa, alayhi salam. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux, nous restons ici assis. » Lorsque Moussa, alayhi salam, leur ordonna de combattre pour rentrer à Al-Quds. Et c'est là je dis cette parole. Al-Miqdad dit ensuite, « Mais nous combattrons à ta droite, à ta gauche, devant toi et derrière toi. » Ceci est rapporté par Al-Bukhari. Et Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, « J'aurais aimé plus que tout au monde avoir prononcé moi-même ces paroles. » Car ce sont des paroles magnifiques qui renforcent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il veut faire, et qui montrent le soutien indéfectible de ses compagnons, qui sont les meilleurs compagnons que les prophètes aient pu avoir. Le cher dit ensuite, Sa'd ibn Mu'ad al-Ansari, le chef des Haus, se leva et dit, « Ô messager d'Allah, peut-être crains-tu que les Ansar considèrent qu'ils n'ont le devoir de te secourir que dans leur propre demeure. Je parle au nom des Ansar et je réponds pour eux. Pars où tu veux, lis les liens avec qui tu veux et romps les liens avec qui tu veux. Prends de nos biens ce que tu veux et donne-nous ce que tu veux. Ce que tu prendras de nous nous sera plus cher que ce que tu laisseras. C'est-à-dire ce que tu nous prendras sera préférable à ce que tu nous laisseras. Quel que soit l'ordre que tu donneras, nous nous y conformerons. Par Allah, si tu marchais avec nous jusqu'à Bark al-Rimdan, qui est un endroit, nous marcherions avec toi. Et si tu nous faisais traverser cette mer et que tu t'y jetais, nous nous y jeterions avec toi. Nous ne détestons pas rencontrer l'ennemi avec toi demain. Nous sommes endurants au combat, sincères lors de la rencontre, et puisse Allah te faire voir de notre part ce qui réjouira tes yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut réjoui par ce qu'il entendit des paroles des Muhajir et des Ansar, radiyallahu anhum. Et dit, « Siru wa abshiru, fa wallahi la ka'anni andhuru ila masari' al-qawm. Marchez et réjouissez-vous, car par Allah, c'est comme si je voyais déjà les lieux où ces gens vont tomber morts. » Le cher dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcha avec les soldats du miséricordieux jusqu'à ce qu'il campe près de l'eau la plus proche de Badr. Al-Hubab ibn al-Mundhir lui dit alors, radiyallahu an, « Ô messager d'Allah, vois-tu ce campement? Est-ce un lieu où Allah t'a ordonné de t'installer sans que nous puissions avancer ou reculer? Ou bien est-ce une question d'opinion, de guerre et de ruse ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Bal huwa ar-ra'y wa al-harb wa al-makida. » C'est plutôt une question d'opinion, de guerre et de ruse. C'est-à-dire, ce n'est pas une révélation. Il dit alors, « Ô messager d'Allah, ce n'est pas un endroit propice. Fais-nous lever pour aller à l'eau la plus proche de l'ennemi. Nous l'occuperons, nous comblerons les puits que se trouvent derrière, puis nous construirons un bassin que nous remplirons d'eau. Ainsi nous boirons et ils ne boiront pas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva cette opinion et se déplaça. Le cheikh dit en note que ce récit, concernant le campement près de l'eau et la suggestion d'Al-Hubab, est très faible, tant dans sa chaîne de transmission que dans son texte. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'affaiblit également. C'est une histoire connue, mais faible. Le cheikh dit, il s'installa alors sur le versant le plus proche du côté d'Al-Madina, tandis que Quraysh occupait le versant le plus éloigné du côté de Mecca. Cette nuit-là, Allah fit descendre une pluie qui fut pour les polythéistes une averse torrentielle et une boue glissante les empêchant d'avancer. Pour les musulmans, ce fut une pluie fine qui les purifia, raffermit le sol sous leurs pieds en durcissant le sable, facilita leur installation et assura leur pas. Les musulmans bâtirent pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un abri sur une colline surplombant le champ de bataille. Puis il, sallallahu alayhi wa sallam, descendit de l'abri, aligna les rangs de ses compagnons et marcha sur le lieu du combat en désignant de sa main les endroits où allaient tomber les polythéistes et le lieu de leur mort, en disant « Hadha masra'u fulan, insha'Allah, hadha masra'u fulan, ici mourra un tel, insha'Allah, si Allah veut, et ici mourra un tel. » Ça c'est rapporté dans Sahih Muslim. Et dans certaines versions, il n'y a pas « Incha'Allah ». Mais le fait de prononcer « Al-Istithna », le fait de prononcer « Incha'Allah » de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à un moment comme celui-ci, où la révélation l'a informé, Allah, azzawajal, l'a informé par révélation, les endroits de tous ceux qui seront tués de Quraysh, il ne prononce « Incha'Allah » si Allah veut que pour obtenir les bénédictions d'Allah, azzawajal. Car il sait au moment où il prononce cela que ça arrivera car Allah, azzawajal, l'a informé. « Wa man azdaqu min Allahi qila » et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Et ceci fait partie des mu'jizat, des miracles des prophètes, qui indiquent leur véracité. Et parmi les comportements, les bons comportements des sahaba, qui n'ont pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de miracles, contrairement à ce qu'on voit dans les communautés précédentes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de nombreux miracles, et il y a des livres qui ont été écrits sur ces sujets. Le cheikh dit ensuite, aucun d'entre eux ne dépassa l'endroit qu'il avait désigné. Ensuite, il, sallallahu alayhi wa sallam, regarda ses compagnons puis les Quraysh et dit, Allahumma hadhihi Quraysh, ja'ad bi fakhriha wa khuyala'iha wa khayliha tuhadduka wa tukadhibu rasulak. Allahumma nasraka alladhi wa'attani. Allahumma njizli ma wa'attani. Allahumma inni anshuduka ahdak wa wa'dak. Allahumma in shi'ta lam tu'bad. Allahumma in tahlik hadhihi al-'isabata al-yawma la tu'bad. Oh Allah, voici les Quraysh qui sont venus avec leur fierté, leur orgueil et leur cavalerie pour te défier et traiter ton messager de menteur. Oh Allah, accorde-moi ton secours que tu m'as promis. Oh Allah, réalise pour moi ce que tu m'as promis. Oh Allah, je t'adjure par ton pacte et ta promesse. Oh Allah, si tu le veux, tu ne seras plus adoré. Oh Allah, si ce groupe périt aujourd'hui, tu ne seras plus adoré. C'est-à-dire les musulmans. Les musulmans demandèrent secours à leur Seigneur et l'implorèrent. Et Allah Azzawajal leur répondit, « Idh yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum, fathabbitu alladhina amanu, sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru al-ru'ba, fadribu fawqa al-a'naqi, wadribu minhum kulla banan, ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur les doigts, cela parce qu'ils ont défié Allah et son messager, et quiconque défie Allah et son messager, alors Allah est certes dur en punition. Voilà, goûtez-y donc, et aux mécréants le châtiment du feu. Puis les deux armées se rencontrèrent, le combat devint acharné, et la meule de la guerre se mit à tourner. C'est-à-dire que les morts se multiplièrent. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se trouvait dans l'abri, avec Abu Bakr et Sa'd ibn Mu'adh pour le garder. Il ne cessait d'implorer son Seigneur, de lui demander la victoire et de l'appeler au secours. Il s'assoupit un court instant, puis sortit en disant « Sayurzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur » Le rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils tourneront le dos. C'est un verset de Surat al-Qamar. Il encouragea ses compagnons au combat et dit « Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yuqatiluhum al-yawma rajulun fa yaqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbir illa adkhalahu Allahu al-jannah » Par celui qui tient l'âme de Mohammed dans ses mains, aucun homme ne les combattra aujourd'hui et ne sera tué en étant endurant, espérant la récompense d'Allah, avançant sans jamais reculer, sans qu'Allah ne le fasse entrer au paradis. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard » Levez-vous vers un paradis dont la largeur est égale aux cieux et à la terre. Umayr ibn al-Humam al-Ansari se leva alors, tenant des dattes qu'il était en train de manger, et dit « Ô messager d'Allah, un paradis dont la largeur est égale aux cieux et à la terre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit oui. Et il dit, Bakhin Bakhin. C'est une parole de contentement, qu'on peut traduire par bravo, bravo ou excellent. Ô messager d'Allah, il n'y a entre moi et l'entrée du paradis que le fait que ces gens me tuent. Si je restais en vie jusqu'à finir de manger mes dattes, ce serait vraiment une vie bien longue. Il jeta alors ses dattes et combattit jusqu'à être tué. Radiallahu an. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prit une poignée de terre ou de cailloux et la lança vers les gens. Elle atteignit leurs yeux, et il n'y eut pas un seul d'entre eux qui n'en eut les yeux remplis. Ils furent occupés par cette poussière dans leurs yeux, tel un signe parmi les signes d'Allah, azza wa jal. Le rassemblement des polythéistes fut alors mis en déroute et ils tournèrent le dos, poursuivis par les musulmans qui tuaient et capturaient. Ils tuèrent 70 hommes et en capturèrent 70. Quant aux morts, 24 de leurs chefs furent jetés dans l'un des puits de Badr, parmi lesquels Abu Jahl, Shayba ibn Rabi'a, son frère Udba et son fils Al-Walid ibn Udba. Il est rapporté que c'est l'explication de la parole d'Allah Azza wa Jal « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » Ce n'est pas toi qui lançais lorsque tu lanças, mais c'est Allah qui a lancé. Que ça a été révélé par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le jour du Badr, d'envoyer de la poussière dans les yeux des mouchriks. Le cheikh dit dans Sahih al-Bukhari d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit face à la Kaaba et invoqua contre ces quatre-là. Ibn Mas'ud dit, j'atteste par Allah que je les ai vus gisant morts, transformés par le soleil, car c'était une journée très chaude. Parmi ceux qui lui ont causé le plus de tort à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux lorsqu'ils mirent des intestins de chamelle sur son dos alors qu'il était prosterné devant la Kaaba. Dans Sahih al-Bukhari également, d'après Abu Talha, radiyallahu an, qui a dit, le jour de Badr, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna que 24 hommes parmi les chefs de Quraysh soient jetés dans l'un des puits de Badr, un puits souillé et infect. Ce n'était pas un puits sain où on pouvait puiser de l'eau. Donc il a ordonné de les jeter dans ce puits-là. Il avait, sallallahu alayhi wa sallam, pour habitude, lorsqu'il l'emportait sur un peuple, de rester sur le terrain pendant 3 nuits. Et c'était ce qui était connu des Arabes, comme on l'avait avant de la parole d'Abu Jahl. Le fait de rester après un combat, ça indique que la domination a été suprême. Et que ceux qui ont gagné n'ont peur de rien, et qu'ils peuvent rester. Le troisième jour à Badr, il fit sceller sa monture, puis il marcha suivi de ses compagnons jusqu'à se tenir au bord du puits. Il se mit à les appeler par leurs noms et les noms de leurs pères. « Oh, un tel fils d'un tel, oh, un tel fils d'un tel, seriez-vous heureux aujourd'hui d'avoir obéi à Allah et à son messager ? Car nous avons certes trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous, vous aussi, trouvé vrai ce que votre Seigneur vous avait promis ?» Omar dit alors, « Ô messager d'Allah, comment peux-tu parler à des corps qui n'ont plus d'âme ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, « Walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. » Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans ses mains, vous n'entendez pas mieux que ce que je suis en train de dire. Allah, azzawajal, les a fait entendre ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit. C'est encore une fois une mu'jiza qui a eu lieu spécifiquement à ce moment-là. Ça n'indique pas que les morts entendent celui qui leur parle. Et ce n'est pas un dalil pour ceux qui prétendent cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué par exemple que la djinnaza entend le bruit des pas des gens. Donc ils n'entendent pas tout, ils n'entendent pas ce qu'ils disent. Le cheikh dit ensuite, quant aux prisonniers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulta ses compagnons à leur sujet. Sa'd ibn Mu'adh fut contrarié par leur sort et dit, c'est la première bataille par laquelle Allah frappe les polythéistes. Et l'écrasement de l'ennemi au combat m'aurait été plus cher que de laisser ces hommes en vie. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que tu devrais nous permettre de leur trancher la tête, que tu laisses Ali s'occuper de Aqil, c'était son frère, pour lui trancher la tête, et que tu me laisses m'occuper d'un tel, un de ses proches, pour que je lui tranche le cou, car ceux-là sont les imams de la mécréance et ses piliers. Aqil, radiyallahu anhu, était à ce moment-là parmi les mécréants. Donc Omar, radiyallahu anhu, proposa que chacun s'occupe de ses proches qui étaient prisonniers. Et ceci montre le niveau de la foi. Et Abu Bakr radiyallahu anhu dit, ce sont les fils de nos oncles et notre tribu. Je pense que tu devrais prendre d'eux une rançon, une fidya. Ce qui nous donnera une force contre les mécréants et peut-être qu'Allah les guidera vers l'islam. Donc leurs avis divergèrent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta alors la rançon. C'est-à-dire il prit l'avis de Abu Bakr. Et ceci est un ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il n'est pas relatif à la révélation, il n'a pas reçu de révélation pour ça, car Allah azzawajal lui a reproché d'avoir choisi ça. Et Omar a été en accord avec ce qu'Allah azzawajal a jugé. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard, turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah, wallahu azizun hakim. » Il ne sied pas à un prophète d'avoir des prisonniers avant d'avoir prévalu sur terre. Vous voulez les biens précaires d'ici-bas alors qu'Allah veut l'au-delà pour vous. Et Allah est puissant et sage. Dans Muslim que Omar ibn al-Khattab trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr en train de pleurer. Il leur demanda ce qui se passait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Je pleure à cause de ce que tes compagnons m'ont suggéré en acceptant la rançon. Certes, leur châtiment m'a été présenté plus proche encore que cet arbre, en désignant un arbre qui était à côté de lui. » C'est-à-dire, j'ai certes vu ce qui allait s'abattre sur eux comme châtiment ici-bas, dont l'imminence était aussi proche que cet arbre, n'eût été une prescription d'Allah, Azza wa Jal, préalablement inscrite dans la table gardée, Allah al-Mahfouz. Cette prescription établit qu'il ne châtie pas un peuple pour un acte avant de leur en avoir clarifié le statut, qu'il s'agisse d'un ordre ou d'une interdiction. De même, n'eût été une prescription d'Allah ayant autorisé par avance le butin et la rançon des prisonniers pour cette communauté, sans cela un énorme châtiment les aurait touchés. Et c'est l'un des cas où l'avis de Omar ibn al-Khattab a coïncidé avec le jugement d'Allah Azza wa Jal. Et ça démontre également qu'une personne dont le mérite est inférieur à une autre, de façon générale, peut avoir un mérite supérieur dans des points particuliers. Comme là Abu Bakr, qui est meilleur que Omar, à l'unanimité des musulmans. Le cheikh dit ensuite, c'est ainsi que fut la bataille de Badr, où un petit groupe l'emporta sur un groupe nombreux. Fiatun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira. L'un combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréant. Le petit groupe triompha parce qu'il se conformait à la religion d'Allah, combattant pour élever sa parole et défendre sa religion. Allah Azzawajal lui accorda donc la victoire. Allah Azzawajal a dit, en citant les croyants qui accompagnaient Talut, « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » Ceux qui savaient qu'ils allaient rencontrer Allah dirent « Combien de petits groupes vainquirent de grands groupes par la permission d'Allah, et Allah est avec les patients. » Le cheikh dit « Redressez-vous donc par votre religion, ô muslims, afin d'être secourus contre vos ennemis. Soyez endurants, incitez-vous à l'endurance. Soyez vigilants et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Comme Allah azzawajal dit « Ya ayyuha alladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wa attaqullaha la'allakum tuflihun. » Wallahi, sans Allah, toute la puissance du monde ne sert à rien. L'armée la plus grande du monde ne sert à rien pour les musulmans. Pour revenir à Allah azzawajal, à sa religion, à la croyance pure, authentique, à appliquer la religion d'Allah azzawajal comme il nous l'a ordonné, puis la patience et la fermeté dans les épreuves, l'invocation d'Allah azzawajal, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, un des trésors du paradis. اللهم انصرنا بالإسلام واجعلنا من أنصاره والدعاة إليه وثبتنا عليه إلى أن نلقاك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك